Bonjour, bonjour, c'est Cargo Cult. Bienvenue à bord de cette nouvelle édition. Et puis, petit clin d'œil là et petit bonjour avec ce sonal, comme on disait à l'ancienne, ce jingle. Je me rends compte, il était temps que Cargo Cult s'offre un petit générique. Hein. Même pas un générique, un petit sonal, un truc qui dit coucou. Après la promotion, hein, après un an, 14 mois d'existence. Voilà, on s'offre un générique, je suis très heureux. Vous me direz ce que vous en pensez. Ce générique, il n'est pas du tout anodin et vachement en lien avec la personne dont on va parler aujourd'hui, c'est Alvin Curran. Alvin Curran, bah, c'est quelqu'un à qui j'ai tout justement emprunté les cornes de brume qui sont un petit peu remontées et repatouillées dans ce court générique jingle d'introduction que vous venez d'entendre. Alors, bonne nouvelle, ça veut dire que vous allez l'entendre assez souvent. Et puis, bonne nouvelle d'autant plus que j'aimais tout particulièrement introduire cette nouveauté dans notre programme et podcast aux éditeurs de Pinot, du Monde et d'ailleurs. Justement, à ce jour, où est consacrée notre écoute entière et l'heure et demie qu'on va passer ensemble à ce sublime disque, Il Giardini Magnetico, qui a été rebaptisé Song on View of the Magnetic Garden, de Alvin Curran, donc en 1975. Voilà. Un disque italien, mais alors il y a énormément de guillemets à mettre à ce mot-là, parce que d'abord, Alvin Curran n'est pas du tout italien, mais il a fait sa carrière en Italie. En tout cas, il l'a faite depuis l'Italie. Alors, voilà, on va explorer ce jardin secret, parce que ce disque a longtemps été vraiment, vraiment un truc d'initié. Notamment, la première édition a été sur un label qui s'appelle Ananda. C'est un label en fait qui a été créé par Alvin Curran en 1975, et avec deux autres compositeurs de renom, spécialement un, Giacinto Chelsea. Voilà la musique italienne dans ce qu'elle a peut-être de plus ténu, de plus infime, de plus, allez, osons le mot, minimaliste, même si je ne pense pas que le mot s'appropriait strictement sur la musique de Giacinto Chelsea. Citer aussi Roberto Lanieri, et il s'était fait spécialement distinguer avec un album assez incroyable aussi. Je pense qu'un jour, il aura le droit à sa voix et voix au chapitre dans Cargo Cult. C'est le concept Prima Materia, et qui est justement un disque de voix et un disque de voix diphonique, mais enregistré dans un contexte et avec des influences finalement pas strictement ethniques et qui pouvaient croiser des expressions jazz ou là encore minimalistes de très très très haute volée. Chaque disque du label, il n'y en a pas eu beaucoup, hein, 6, voilà, un vieux de nez peut-être un de plus, avait été entièrement réalisé et produit par ses auteurs, donc Curran, Giacinto Chelsea et Roberto Lanieri. Mais finalement, la visibilité qu'il y a pu avoir sur Il Giardino Magnetico, je le dirais peut-être plus facilement d'ailleurs à l'anglais, j'ai l'impression. D'ailleurs, le titre original, c'est strictement Canti, e vedute del Giardino Magnetico. Autrement dit, Song on View of the Magic Garden, chanson des vues du jardin magnétique et pas magique. Et en même temps, vous allez voir, cet album est truffé de magie. C'est un album totalement libre et c'est un album qui va engager Alvin Curran dans une démarche que finalement, qui demandait qu'à être explorée et qui, quand bien même elle avait été déjà mise sur pied, il y avait déjà eu des intentions de mélanger la composition post-classique, le field recordings, le montage, l'électroacoustique et même une forme d'électronique, ça avait rarement trouvé autant grâce que lorsque Alvin Curran va se coller à la tâche. Alors, je vais détailler un petit peu, et peut-être il faut revenir un tout petit peu sur le parcours d'Alvin Curran. C'est un personnage extrêmement complexe, en fait, vraiment multifacette. On va certainement pas toutes les évoquer aujourd'hui, mais enfin, on va quand même en miroir les montrer l'une à l'autre, parce que forcément, chacune nourrit l'autre. Donc, Alvin Curran, c'est un compositeur, un vrai de vrai. J'ai envie de dire, il s'est illustré dans des très grands cycles et passionnants. Alors, j'en cite deux, là, rapidement. C'est Inner Cities, qui est un cycle pour piano et qui court sur plusieurs années. Il y a 13 ou 14 volumes de Inner City. Il y a deux éditions discographiques, des volumes 1 à 11, si je ne m'abuse, ou peut-être à 13. Voilà, vous êtes embarqué sur 4 à 5 heures d'écoute. C'est des très, très grands cycles. Un autre particulièrement passionnant, Et le Sonal, qui va dorénavant ouvrir les programmes de Cargo Cult, emprunte justement à ça. C'est Maritime Rites, autrement dit les rites maritimes, qui est rituel maritime, pour lequel Alvin Curran, en tant qu'enregistreur de terrain, en tant que field recordist, le néologisme est permis maintenant, il s'est entiché d'aller enregistrer sur la côte nord-est des États-Unis, au-dessus de l'État de New York, dans le Maine, autour de Nantucket, des cornes brunes dans les années 70. Voilà, ces fameux messages, ces signaux audio, hein, très utiles évidemment à la marine et aux bateaux. Signaux qui disparaissent avec le temps, évidemment, parce qu'aujourd'hui les radars ont largement pris le pas et ont montré probablement plus d'efficacité. Donc ce son absolument magique de la corne de brume, il a foutu le camp. En tout cas, il est en train de dépérir. Et cette vision probablement à la fois géniale d'un compositeur, mais peut-être de manière d'ailleurs volontaire ou pas, en lien avec ce qu'on va appeler à partir des années 70 l'écologie acoustique, va finalement, dans une volonté autant artistique que patrimoniale, conserver ces enregistrements de ces rituels maritimes, et notamment une flopée de cornes de brume avec des sons proprement ahurissants, fantomatiques et beaux à la fois, et les confier à d'autres compositeurs, et les confier à d'autres auteurs ou à d'autres artistes. Et parmi eux, du sacré beau monde. Pauline Oliveros, ou John Cage. George Lewis et quelques autres, et Steve Lacy. Alors ces gens-là, vous allez voir, il y a une faculté absolument extraordinaire chez Alvin Curran à avoir une aura magnétique et rassembler des gens, des influences qui sont probablement le nec plus ultra de ce qui se passe dans les avant-gardes des années 60 puis du début des années 70, et là spécialement dans le champ des minimalistes. Et sans qu'eux, à proprement parler, Alvin Curran en tire directement profit. Et finalement, je pense qu'il s'en fout complètement. C'est pas du tout quelqu'un qui a une ambition démesurée. Il aura eu le bonheur de vivre à Rome assez tôt et pouvoir y développer les projets comme il les voulait. Alors, je vous disais, il est américain à la base. Il vient de Rhode Island. Il est à Providence en 1938. C'est incontestablement quelqu'un de doué. Il étudie la composition dès l'âge de 15 ans avec Elliot Carter. Donc, Elliot Carter, avant le minimalisme aux États-Unis, c'est un peu la figure tutélaire de ce qu'on ne peut pas appeler une nouvelle musique à ce moment-là aux États-Unis. Donc, pas encore. L'Europe est tellement hégémonique que finalement, les expressions de classiques typiquement américaines, à part avec John Cage, elles n'ont pas explosé. Mais quelqu'un comme Elliot Carter fait quand même pas mal le lien avec justement une tradition européenne et puis des aspirations nouvelles ou néo-nouvelles aux États-Unis. Et comme Elliot Carter va partir enseigner et faire des masterclass à Berlin, en Europe et spécialement à Berlin, il incite Alvin Curran à partir en Europe étudier aussi, et notamment le rejoindre là-bas, dès 1964. Et l'Europe, c'est le coup de foudre pour Alvin Curran. C'est le coup de foudre, et puis c'est le point nodal où il va rencontrer tous les grands noms, quoi. Alors, y compris des papés, hein, Stravinsky, voilà, mais aussi Xenakis, Luciano Berio en Italie, et surtout Ruski. Alors, compositeur moins connu, mais très important, Ruski, Frédéric Anthony Ruski, et aussi Cornelius Cardew. Et ça, c'est ces deux compositeurs qui vont beaucoup, beaucoup marquer Alvin Curran, et tant dans leur démarche musicale, mais que tant dans leur démarche politique. Parce que ces deux compositeurs qui vont vraiment intégrer solidement des thèmes sociaux et politiques dans leur musique. Enfin, au point que pour Cornelius Cardew, ça signera sa mort. Il faut savoir que Cornelius Cardew, bien que ça n'ait jamais été officialisé, a été juste dûment et simplement assassiné par les services secrets britanniques à cause de son support à la cause de l'IRA dans les années 70. Une petite parenthèse, mais enfin, elle mérite d'être un peu mise au point. À partir de ce milieu des années 60, Alvin Curran, il va connaître, c'est son expression, je la trouve très chouette, il dit « je vais connaître une carrière d'expatrié déterminé ». Déterminé, ce qui va commencer probablement avec la création de MEV, Musica Electronica Viva. Dès 1966, MEVS est un immense complexe à géométrie variable. Les piliers en sont Alvin Karen et puis Rougrouski, justement. Mais dans MEVS vont passer Eddie Prévost, Yoko Ono, Alvin Lucier, la liste est sans fin, mais j'essaie de trouver comme ça des noms qu'on marquait. Oui, Alvin Lucier, et surtout Steve Lacy, assez important. Même Cage, évidemment, y est passé, puisque Cage sera par ailleurs associé au Maritime Rights que j'évoquais tout à l'heure. D'où cette faculté d'aimantation qui est déjà actée au moment où Musica Electronica Viva va commencer à donner de la voix. Que ce soit avec Musica Electronica Viva, mais peut-être plus encore avec les tout premiers travaux solo de Alvin Karen, il va y avoir une influence assez évidente des minimalistes. Et les travaux de Terry Riley, Lamonté Young, Charlemagne Palestine vont clairement ouvrir un petit peu le pas aux explorations d'Alvin Karen. À ça, il faut ajouter deux influences qui sont essentielles, dont l'une qui est totalement étonnante. La première, elle, qui l'est beaucoup moins, et c'est spécialement dans le disque qui est tapissé de field recordings qu'on va écouter aujourd'hui. Hein, je répète, donc, « Cante vedute del giardino electromagnetico ». Non, juste magnético, d'ailleurs, quand bien même on parle de musique électromagnétique, électroacoustique, mais vous allez voir, c'est plus dans une optique de field recording et de recomposition. Bref, il y a dans cette optique-là quelqu'un qui vient immédiatement en penser au niveau des influences, c'est Luc Ferrari. Évidemment, Luc Ferrari, celui par qui le mal arrive. Et par le mal, entendons le fait d'avoir introduit dans la musique concrète et la musique électronique le réel, la poussière du dehors, la boue des champs et des field recordings. Ça a été jugé quasiment hérétique à ce moment-là. C'est loin d'avoir ouvert un style de facto. L'autre influence, et celle-ci, elle m'a interrogé, et merci à Lucien de m'avoir renseigné sur cette histoire-là, c'est Simone Forti. Alors Simone Forti, outre le fait que c'est une femme et que dans le camp des minimalistes, on n'en comptait pas tant que ça. Surtout Simone Forti, c'est quelqu'un qu'on associe à la danse. C'est une chorégraphe. Elle est extrêmement importante. C'est une chorégraphe qui a traversé son temps aux côtés justement de gens comme Lamonté Young, Charlemagne Palestine ou Terry Riley. Au même titre que Anna Alprint, dont on a commenté le décès il y a peu. C'est quelqu'un... Ça a été le creuset des avant-gardes, et spécialement minimalistes, dans les années 60, de manière fabuleuse. Mais ce qu'on ne sait pas, enfin ce qu'on sait moins, mais autant dire on ne sait pas, les enregistrements sont rarissimes, c'est que Simone Forti a enregistré de la musique elle-même. Et c'est incroyable que finalement la musique de Simone Forti, elle prophétise ce que va faire Alvin Karen pas si longtemps que ça après, en solo. Alors je m'explique, et là on va rentrer maintenant directement dans le disque qui nous intéresse, c'est que c'est effectivement une collection de paysages sonores. Mais alors attention, la notion de paysage sonore, elle est relativement chargée d'un dogme, et qui est celui justement de l'écologie acoustique que j'évoquais tout à l'heure. Et ma foi, on n'est pas obligé de s'encombrer de ce dogme-là, de cette mission-là, pour utiliser, à qui mieux, et surtout comme on le veut, ses propres enregistrements de terrain. Simone Forti va être vraiment une zélatrice de ce truc-là, spécialement sur Alvin Karen. Et c'est amusant, il y a une liaison, pas au sens physique, enfin je veux dire pas au sens amoureux, entre Simone Forti et Alvin Karen qui me touche énormément et qui, à mon avis, en dit long. Simone Forti, c'était une Italienne, et elle a migré aux États-Unis, c'est là qu'elle fera carrière, évidemment. Chez Alvin Karen, c'est exactement le contraire. Voilà. Et qui, quittant Rhode Island et Providence où il est né, va même pas passer par la case new-yorkaise où finalement l'essentiel du minimalisme va s'étoffer, et enchaîner directement à Rome où il va trouver patrie. Il va pas seulement trouver patrie, il va trouver son, il va trouver humeur, il va trouver l'essentiel de la matière sonore qu'on va écouter aujourd'hui. Et matière sonore qu'il va développer sur 4 albums. 4 albums absolument fabuleux. J'aurais souhaité, et ma foi, je me l'interdirai peut-être pas à une prochaine occasion, faire la tétralogie complète que représentent ces 4 albums d'Alvin Curran. Le premier, c'est donc ce Jardin magnétique, mais c'est suivi après par Conti Illuminati, Light Flower, Dark Flower, et le tout dernier, au nom plus simple, s'appelle Works. Et voilà, et cette composition, les enregistrements et les compositions s'échelonnent de 1973 à la stricte fin des années 70, même tout début des années 80. La pièce qu'on va entendre aujourd'hui, elle est dûment mixée, enregistrée en 73, mais elle va paraître en 75, donc un petit peu après quand même. Avec justement un matériau qui, entre-temps, aurait été expérimenté par Alvin Curran lui-même dans une situation de live. Il faut que je vous dise que Alvin Curran est un pianiste, c'est un excellent pianiste, mais en même temps, il a un rapport presque désinvolte avec la virtuosité et il a un malin plaisir à mélanger les codes et notamment introduire justement au cœur même de son jeu de piano, hein, quand il signe sous son nom, des petits accidents abrupts, des sonorités empruntées à droite et à gauche. C'est exactement ce qu'on va entendre aujourd'hui et puis vous allez voir que le piano finalement est même très très lointain, il n'est pas du tout dominant. Alvin Curran nous dit hein, que depuis le milieu des années 60, c'est assez tôt, il est devenu un phylocordiste passionné de tout ce qui l'entourait. J'enregistrais des insectes, des clochers, des drones, des espaces vides, les fontaines de Rome, les rues de Rome et les cris de marchands. Voilà ce qui va être une passion chez Alvin Curran. Et pas au départ pour se dire je vais mettre ça dans la musique. Non, il y a un aspect comme ça de collectionneur, comme quelqu'un qui va ramasser des petits cailloux ou bien collectionner les papillons, quoi. Et il Giardino Magnetico, hein, comme on l'appelle ici, nous dit encore Alvin Curran, va être un événement déterminant, typiquement ce genre d'événement de la vie qui sort de nulle part et qui mène partout. Sortir de nulle part et mener partout. La pièce qu'on va entendre, vous allez voir, c'est une pièce assez fulgurante. Elle jaillit comme ça, comme une fontaine souterraine. Je me souviens de rien de la composition, mais seulement du mixage final, celui sur lequel je jouerais en live. J'étais absolument extatique. C'est bien sûr Alvin Curran qui parle. Et il y a de l'extase dans cette pièce. Là, c'est une composition et une improvisation à la fois. C'est étrange. On arrive à lier les deux attitudes qui pourraient a priori paraître antinomiques, surtout quand elles doivent énormément au mixage en studio qui va terminer la pièce. Je vous le disais, cette pièce, elle date de 1973, mais elle est nourrie d'enregistrements qui datent de bien avant, hein, pour la plupart. Et justement, entamée au milieu des années 60. Quand Alvin Curran s'est doté d'un agra et puis de bandes enregistreuses ou quoi. Alors qu'est-ce qu'on entend ? C'est aller pêle-mêle. Il y a des brusques passages d'hirondelles comme ça et pas mal d'oiseaux. Des carillons de verre, de métal, des chiens qui aboient dans les rues de Rome ou d'ailleurs. Et puis toujours des chiens, il y en a beaucoup. La nuit, parce que forcément, la nuit, dès qu'il fait chaud dans des pays chauds, et l'Italie et surtout Rome peut être quand même chaud en plein milieu de l'été, les chiens sont tellement chaos le jour que c'est la nuit qui se réveille et qui finalement, ils improvisent une espèce de grande chorale mondiale au milieu de la ville monument qu'est Rome, quoi. La propre voix de Alvin Curran. Ben oui, quand même, la propre voix de Alvin Curran qui dit « Ma voix n'avait pas éclose depuis le jour de ma bar mitzvah ». Donc voilà, il a remis au goût du jour. Et bon, évidemment, c'est pas un chanteur, hein, Alvin Curran. Mais enfin, il n'a pas à rougir de sa voix, il l'utilise, quoi. Il en fait un instrument. Dans le registre des voix, il est savoureux, d'ailleurs. Il y a la voix de sa voisine, qui est une voix parlée, voilà, on entend des voix d'enfants. Il y a la voix de la chanteuse soprano, alors là, pour un peu, dis-moi une chanteuse, hein, Margherita Benetti. Et puis, plein d'instruments bizarres. Il y a notamment un jeu de cymbales, mais craquelé, qu'avait trouvé Alvin Curren dans un marché opus local. Et ça, finalement, il l'avait enregistré en posant directement un micro de contact sur la cymbale. Parce que finalement, comme elle était craquée de partout, la résonance n'était pas facilement exploitable. En tout cas, pas comme il l'aurait souhaité. Une senza, ce fameux piano à pouce africain. La senza, d'ailleurs, de Musica Electronica Viva. Voilà, qui s'avait ramené du Kenya à un concert à la fin des années 60. Du synthé aussi, et un seul, mais un synthé historique, c'est le fameux VCS3, ce synthé ultra compact qui ressemble un petit peu à une valise, un synthé modulaire magnifique d'ailleurs, c'est un des plus beaux synthés qu'on ait jamais fait, et c'est un synthé qui est rentré absolument dans l'histoire. On l'entend dans des fines nappes extrêmement bien travaillées. Et puis oui, puisqu'on est dans ces nappes, dans ces ondulations, ben voilà, il y a beaucoup de tubes, des chimes. C'est des carillons. Et notamment des carillons de Noël spécifiques qui avaient été trouvés sur le marché de Noël de la Piazza Navona, bien sûr, à Rome. Donc tout ce bric-à-brac, parce que c'en est un, finalement, va être à l'origine d'accidents providentiels, quoi, absolument magiques. Et il y a une association entre l'instrument primitif, le field recordings, et bien sûr l'instrument pour le peu d'autres volets, c'est-à-dire le piano, je vous répète, que Alvin Curren y excelle, et puis le synthétiseur. Tout ça est fait entièrement en solo. Donc dans un concept de home studio, quand bien même la notion de home studio évidemment n'existe pas encore et n'est même pas prête d'arriver, quoi. Donc c'est même assez magique d'avoir pu réunir ces trucs-là dans un seul espace et d'avoir pu s'isoler pour travailler ainsi comme ça, quoi. Le mot de la fin, je vais le rendre à Alvin Curren avant qu'on le mot de la fin de cette présentation, en tout cas, qui dit l'arrangement de ces éléments. C'est une performance improvisée en solo, n'a pas donné et sonné la fin de ma carrière de compositeur, de notes sur papier. Il a simplement remis en question ce rôle de compositeur et l'a finalement réinspiré. Et justement, on évoquera un petit peu ces réinspirations à la toute fin de ce programme. Dans l'immédiat, bienvenue dans ce fabuleux jardin magnétique d'Alvin Curren. Je vous y embarque pour 50 minutes. Bonne écoute, c'est Cargo Culte. Thank you.

Thank you.

Quelle descente merveilleuse. C'est la perfection. Oui, alors je suis un zélateur de ce disque et de toute cette facette de Alvin Curran, comme c'est pas permis, vous l'aurez compris. Mais est-ce que vous avez déjà entendu, un espace aussi grand sur un format si petit? Finalement, 50 minutes, c'est rien dans le temps. On parlait du temps, justement, Lee. Et dans ces seules 50 minutes, Alvin Curran arrive à concentrer de l'espace, du temps, des paysages sonores absolument sublimes, mais tout ça se compose, tout ça dialogue, et c'est de l'harmonie constante, autant dans la stricte harmonie que dans la dissonance d'ailleurs. Je répète que cet album, c'est l'ouverture d'un cycle, mais qui s'est finalement jamais présenté strictement comme un cycle, puisqu'il va y avoir 4 albums en tout, strictement solo d'Alvin Curran, des albums fait en Loft Studio, on va dire. Loft Studio, c'est l'ancêtre du Home Studio et c'est plus grand, évidemment. Et c'est strictement ça, c'est ainsi que le définit Alvin Curran, son Loft Studio à Rome, qui se situe en tout cas à ce moment-là, à l'aube des années 70, on est en 73, à la Via dell'Orso, c'est la rue de l'Ours, et pas très loin de la fontaine du même nom. Pour ceux qui connaissent Rome, c'est à un petit kilomètre ou deux, même pas, de la Villa Borghese. Voilà. Alvin Curran, lui, c'est expatrié sublimement influencé par les humeurs qui croisent. Finalement, il arrive à faire de Rome un terrain de jeu absolument incroyable. Les 4 disques qui forment la tétralogie que j'évoque là, ils sont strictement là-dedans. C'est de l'ambiance à vie en l'ambiance. C'est une liberté de ton absolument incroyable avec ces prises de comme ça à droite à gauche d'horizons multiples quoi. Il y a un instrumentarium bigarré que j'ai évoqué tout à l'heure. Mais il convient finalement de prendre pratiquement un petit peu de distance maintenant avec cette œuvre-là et pour voir à quel point elle aura quand même marqué toute la suite du travail d'Alvin Curran. Je répète, et je vais vous le prouver bientôt, Alvin Curran est un pianiste d'exception. Mais il n'hésite pas à casser le piano. Alors, pas au sens cagien du terme, avec un piano préparé, mais il n'hésite pas à le casser lui-même en introduisant des codes qui n'ont pas lieu de s'y trouver. Notamment mélanger des samples avec du piano, samples même qui vont non pas participer de la citation pure et dure, mais qui vont plutôt aller choper des fréquences électriques, des ondes complètement craquelées, des instruments cassés en deux, et de manière finalement plutôt iconoclaste, quoi. Et dans le même temps, c'est ce qui est fascinant chez Curran, c'est que c'est quelqu'un qui va, par exemple, s'emparer, pour un album entier qu'il aura fait chez Zadik, de cet instrument ultra traditionnel qui est la chauffard. Genre, je ne sais pas si on dit le chauffard ou la chauffard. S-H-O-F-A-R. Et cet album, Chauffard Rags, qu'il va laisser sur le label Zadik de John Zorn, c'est un disque assez remarquable et très étonnant où tout tourne autour de cet instrument qui est une trompe, en fait. Et c'est un des plus vieux instruments du monde. C'est une trompe hébraïque qui était utilisée bien dans la tradition juive et ce avant même la naissance du Christ, quoi. Donc on est dans un espèce d'accaparition patrimoniale. Mais en même temps, évidemment, ça joue des codes et des chocs culturels à qui mieux. Et évidemment, je l'expliquais par cette position géographique et d'expatrié un petit peu à part, qui fait qu'Alvin Curran peut à la fois se permettre de la distance, de l'humour, mais une liberté finalement totalement incroyable. En refusant tous les dogmes, finalement, il peut tous les embrasser. Curran a cette faculté d'attraper la musique dans ce qu'elle représente au niveau d'aussi de... pas juste la musique, mais ce qu'elle représente comme pièce d'art, comme code. Je vais nous fermer ce chapitre sur Alvin Curran. J'ai envie de dire chapitre, j'aurais tellement plaisir à en parler plus longtemps et sur des œuvres peut-être encore plus longues. On y pensera sur des mois à venir dans Cargo Culte. Il y a un disque très à part et qui, pour le peu, a été assez boudé par les fans d'Alvin Curran parce qu'il prend un peu le contre-pied de ce qu'on a entendu ou même le contre-pied d'œuvres pour piano qui sont très fortes, mais un peu une espèce de sentence comme ça d'œuvres pour piano. quoi. Or non, il y a plein de choses trap chez Kerrang, et notamment sur ce disque Endangered Species, autrement dit espèces en voie de disparition, et où les espèces en voie de disparition susnommées sont en fait des morceaux de musique, j'oserais dire traditionnelle, en tout cas des vrais classiques de l'American Songbook du XXe siècle. Voilà, du Cole Porter, T42, As Time Go By, qui est évidemment la musique tutélaire du film Casablanca. Il y en a plein d'autres, Georgia On My Mind. Tout ça, c'est des morceaux qu'ont fabriqué l'Amérique. Quand bien même, ils ne sont pas tous américains. Par exemple, Just a Gigolo. I'm just a gigolo, everywhere I go. Pas mal, hein. Est en fait une chanson allemande à la base, qui bien sûr va connaître un tube planétaire et transgénérationnel avec ce rock'n'roll pionnier qu'avait fait Louis Prima à l'aube des années 50, avec cette reprise. Et à la base, le morceau est allemand, vous voyez. Et puis c'est devenu finalement un truc totalement américain. Plus qu'américain que le morceau que vous allez entendre maintenant, il n'y a pas. Il n'y a vraiment pas. C'est Red River Valley. Red River Valley, c'est un morceau alors, dont on n'identifie même pas clairement la provenance. C'est l'archétype du morceau western, quoi. Et vous allez voir la reprise qu'en fait Alvin Kerrang. Et là, j'insiste pour résumer l'instrumentarium dans finalement ces deux compositions uniques. Hein, c'est du sampler et du piano. Et là encore, Alvin Kerrang tout seul. C'est très récent, un album qu'il a fait en 2018, à l'âge de 80 ans. J'insiste sur le fait qu'aujourd'hui, Alvin Kerrang a 83 ans, quoi, et fait montre d'une vitalité absolument exceptionnelle, d'une curiosité touche à tout, et qui plus est, avec un détachement et un humour qui est assez rare finalement dans la musique contemporaine. Alors allons-y sur ce Red River Valley. Et puis comme vous avez été très sympa et très sage aujourd'hui, je vous offrirai même l'original après, en tout cas une des reprises, une des versions les plus connues de ce Red River Valley, elle typiquement américaine. Très heureux d'avoir partagé ce moment avec vous, et bien à tous et à bientôt. Ce sera donc la semaine prochaine sur Cargo Cult. On s'échappe, je vous l'ai dit, avec donc ces deux versions de Red River Valley. Thank you. So